إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre, Inch'Allah, sur la suite de l'histoire du prophète Khalil Ar-Rahman Ibrahim alayhi salam, que la paix soit sur lui. Donc dans la dernière assise, on avait évoqué le débat entre Ibrahim et son père, et comme on l'avait dit, son père, qui était surnommé Azar, était façonneur de statues, et donc en son temps, son père faisait partie des propagateurs du polythéisme et de l'idolâtrie. Et donc son père était un idolâtre, était un adorateur de statues, et donc il les façonnait, il appelait les gens à l'adoration de celles-ci, et les vendait. Il les vendait, donc en plus de cela, il gagnait ses biens, il gagnait son argent par la vente de ses statues. Donc cet argent que gagnait justement le père d'Ibrahim, comment il était de provenance haram. Donc Azar, aussi bien comme on l'a dit, était un façonneur de statues, aussi bien il vendait ses statues, il appelait à la adoration de ses statues, donc il était propagateur d'idolâtrie. Et donc c'était une grande épreuve pour Ibrahim, alayhi salam, et comme on l'a dit, c'était des dhulumat fawqa ba'd. Et c'était vraiment ténèbres sur ténèbres, interdit sur interdit. Et donc Ibrahim, on a vu la fois dernière la manière dont il s'adressait à son père et la manière de débattre et d'essayer de faire revenir son père de la meilleure des manières avec des paroles propices pour l'appel d'un parent à la vérité. Donc le but d'Ibrahim, comme on l'avait dit, le prophète, alayhi salam, qu'Allah lui accorde la paix, que la paix soit sur lui. Ibrahim, alayhi salam, donc s'adressait aux gens de son époque, en l'occurrence à Azar, avec des paroles propices qui convenaient justement dans un contexte de darwa. Ensuite, on avait terminé notre assise avec l'évocation d'un débat. دادبا مناظرته لقومي من عباد الكواكب من عباد الكواكب. Alors qu'un jour, Ibrahim عليه السلام était avec des gens de son peuple qui étaient adorateurs de kawakib. C'était des adorateurs, comme on avait dit à son époque, d'astres, d'étoiles, de planètes et autres. Donc ils adoraient les étoiles, ils adoraient les astres. Alors qu'un jour, Ibrahim s'adressa à eux. Après que dans le verset Allah Jalla wa Ala nous dit wa kadhalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ard wa liyakuna min al-muqinin. Et Allah Jalla wa Ala, dans le premier verset, avant de nous mentionner la manière dont a débattu Ibrahim avec son peuple, Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il a fait montrer le royaume des cieux et de la terre à Ibrahim pour raffermir sa certitude en quelque sorte. Et alors qu'un jour Ibrahim était avec les gens de son peuple, il leur dit فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. Et un jour, alors que la nuit est venue, la nuit est tombée, alors il vit un astre. قال هذا ربي. Il dit, oh, celui-ci est mon Seigneur. Et là, les savants nous enseignent, c'est pas dans le sens que Ibrahim croyait en cela, mais c'était pour ramener son peuple à une réflexion. Donc ici, il voulait ramener son peuple à réfléchir, à une réflexion qu'on va comprendre dans ce qui va suivre. Ensuite, falamma afala qala la uhibbu al-afilin. Ensuite, lorsque cet astre, ce kawkab a disparu, ensuite Ibrahim, oh je n'aime pas, a dit, je n'aime pas ce qui disparaît. Thumma qala falamma ra'a al-qamara baziga. Falamma ra'a al-qamara baziga qala hadha rabbi. Et lorsqu'ensuite il vit l'apparition de la lune, il leur dit, oh, voici mon Seigneur. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin. Et ensuite, lorsqu'elle disparut, alors il leur dit, oh, si mon Seigneur ne me guide pas, je compterai parmi les égarés. Ensuite, falamma ra ash-shamsa baziratan qala hadha rabbi hadha akbar. Ensuite, lorsqu'il vit l'apparition du soleil, il vit le soleil. فقال هذا ربي, voici mon Seigneur, هذا أكبر, il est encore plus grand. فلما أفلت, mais lorsqu'elle disparut, lorsque le soleil disparut, قال يا قومي إني بريء مما تشركون, ô mon peuple, je suis certes innocent de ce que vous donnez comme associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc vous voyez dans cette manière de faire de Ibrahim alayhi salam, donc il les mène vers une réflexion. Comme on l'avait dit dans les assises précédentes, le peuple à laquelle est apparu Ibrahim, donc s'adonnait à l'adoration d'astres et d'étoiles, en attribuant à ces astres des particularités de la seigneurie. Et par exemple, ils attribuaient à certains astres, à un astre par exemple la guérison, et donc à un autre astre une autre particularité. Et de ce fait, ils revenaient et ils adoraient donc ces astres. S'ils recherchaient la guérison, donc ils invoquaient et adoraient l'astre. Et de ce fait, ils adoraient des astres, des planètes et autres. Min al-kawakib. Et donc, Ibrahim, il les ramène vers une réflexion en leur disant que le Seigneur qui mérite l'adoration ne disparaît jamais. Celui qui mérite l'adoration, celui qui a créé ce monde, c'est un Seigneur éternel. Et ce Seigneur-là, on peut toujours l'adorer, on peut toujours l'invoquer, et ce Seigneur ne disparaît jamais et ne disparaîtra pas. Contrairement à leurs idoles, Ibrahim alayhi salam leur fit montrer que leurs idoles, leurs divinités qu'ils prennent en dehors d'Allah, eux disparaissent. Donc ils ne sont pas en droit d'être adorés et ils ne sont pas en droit d'être divinisé. Et pour cela, donc Ibrahim les fait réfléchir et leur dit que le maître de l'univers, le maître des mondes, celui alladhi yastahiq al-ibada, celui qui doit être adoré, et donc celui qui peut exaucer les demandes, celui qui répond aux demandes de ses serviteurs lorsqu'il les invoque, c'est le Seigneur subhanahu wa ta'ala éternel, qui ne disparaît pas, qui est constamment proche de ses serviteurs. C'est pour cela que Al-Hafid ibn Kathir, l'érudit Al-Hafid ibn Kathir, dans l'explication de cela, de ces versets-là, il dit « فَهَادَ الْمَقَامُ مَقَامُ نَذَرَ لِقَوْمِهِ وَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَجْرَامَ الْمُشَاهَدَةِ مِنَ الْكَوَاكِبِ النِّيَرَ لَا تَصْرُحْ لِلْأُلُوهِيَّةِ لَا تَصْرُحْ لِلْأُلُوهِيَّةِ. Donc Ibn Kathir, l'érudit, dans l'interprétation de ces versets, il dit là, on était dans un contexte de débat. Donc Ibrahim débattait avec son peuple. Et donc il leur clarifiait que ce qui apparaissait comme astre et étoile ne méritait pas ce qu'on appelle al-uluhiyya, le droit à al-uluhiyya, à l'adoration et être divinisé. Voilà. تعبد مع الله عز وجل. Et ces astres aussi ne méritaient pas d'être adorés en dehors d'Allah. لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة. Pourquoi? Parce que elles-mêmes elles sont façonnées, elles sont dirigées, elles sont administrées. فهي مدبرة وهي مسخرة. الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé ces planètes, ces astres, ces étoiles. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, il les a créés pour une sagesse et pour un but précis. Qu'Allah Jalla wa ala sait. Et donc, il a mis cela au service des hommes. Et donc, parfois, elles apparaissent. Parfois, elles disparaissent. Fata'ib an hadha al-alam. Wa rabbu ta'ala la ya'ibu anhu shay. Wa la taghfa alayhi khafiyya. بل هو الدائم الباقي بلا زوال لا إله إلا هو ولا رب سوى. Et pour ça que l'érudit Ibn Kathir, il dit, donc ces astres-là, ces kawakib, elles disparaissent et parfois elles apparaissent. ورب تعالى, alors que le Seigneur, lui, rien ne lui échappe. Subhanahu wa ta'ala. Allah cerne tout de son savoir et Allah ne disparaîtra jamais, subhanahu wa ta'ala, fahuwa ad-da'im al-baqi bila zawal. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le premier, wal-awwalu, rien ne l'a précédé, wal-akhiru, il n'y en a rien après lui. Et Allah jalla wa ala est l'éternel, subhanahu wa ta'ala. Allah est l'éternel, sans commencement et sans fin, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu. Voilà Rabbun Siwa. Donc nul adoré véritable si ce n'est lui, et il n'y a pas d'autre seigneur si ce n'est lui. Il a un qal jusqu'à ce que aussi l'érudit Ibn Kathir dit Al-Zahiru anna mu'idhatahu hadhihi fil kawakibi li ahli harran fa innahum kanu ya'budunaha. Wa hadha raddun yarud ala man za'ama annahu qala hadha hina kharaja min sarb wa lamma kana saghiran. Ainsi, Ibn Kathir et d'autres savants mentionnent que cette exhortation de Ibrahim face à son peuple, cette sorte de débat de Ibrahim, cela s'est produit à Harran. Harran, donc c'était une terre, une région du monde qui était appelée comme ça, Harran. Donc il dit le lieu de ce débat, de cette exhortation, de cette mo'idha de Ibrahim envers son peuple concernant les astres, alors c'est produit à Harran. Il voit que c'est l'avis le plus juste et ce qui apparaît le plus. Pourquoi? Parce que c'était surtout aussi à cette époque, les gens de Harran, ils étaient vraiment ceux qui vouaient leur adoration au Al-Kawakib, leur adoration aux astres. Et donc il dit, ce qui est plus proche, c'est que cette Mo'idha s'est produite à Harran, différemment à ce qui était prétendu par beaucoup que cela s'est fait lorsque il était plus jeune. ولهذا قال ابن كثير الظاهر ان موعظته هذه في الكواكب لاهل حران فانهم كانوا يعبدونها. Donc comme on l'a dit précédemment, donc Ibn Kathir et beaucoup de spécialistes considèrent que le plus juste, c'est que ce débat qu'a fait Ibrahim donc a eu lieu dans cette région de Harran. Harran. Et Harran, donc c'est une région qui est aux limites, aux hudoud du Sham, aux hudoud, aux limites du Sham. Et donc cela s'est produit donc après son immigration, puisque Ibrahim alayhi salam, à un moment donné de sa vie, il nous est relaté qu'il a fait donc l'émigration. Donc il a émigré en direction de la Palestine. Et c'est pour cela que plus tard, il s'installera en Palestine. À savoir que Ibrahim alayhi salam, les spécialistes s'accordent pour dire que le plus juste est qu'il est né, son lieu de naissance était à Babylone, en Babylone. En arabe, à Babil. À Babil, c'était en Irak actuel. En Irak actuel. Et donc le plus juste, et beaucoup de spécialistes, c'est que Ibrahim est né à Babil, en Babylone. Et c'était l'époque où il y avait un célèbre roi, c'était l'époque du roi Nemrod. Nemrod, donc à son époque, il y avait un célèbre roi qui s'appelait Nemrod, et lui appelait les gens à son adoration et à le prendre comme seigneur. Donc il prétendait la seigneurie. Ainsi, l'idolâtrie et le polythéisme étaient propagés à son époque. Et donc, depuis tout jeune, Ibrahim alayhi salam, comme Allah nous dit dans un verset, on avait déjà stipulé cela, que Ibrahim, lui, depuis tout jeune, réprouvait cela. Et Ibrahim ne s'adonnait pas à l'idolâtrie, et depuis tout jeune, il blâmait et se désavouait de l'idolâtrie et du polythéisme. Et d'ailleurs, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui prouve que Ibrahim, avant même qu'il reçoive la prophétie, avant même qu'il devienne ou qu'il devint prophète, Allah jalla wa ala nous dit: Walaqad atayna Ibrahim rushdahu. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Et Allah Jalla wa Ala, il nous dit, et nous avions auparavant indiqué Ibrahim Ar-Rushd. Ar-Rushd qui est la bonne voie. Donc déjà avant, Allah Jalla wa Ala dit qu'il avait accordé la bonne voie, et nous avons certes accordé à Ibrahim la bonne voie. Et cela avant. Et nous étions à son sujet connaisseurs. Traduction approchée du sens d'une versée. Donc Allah Jalla nous dit: Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin. Et donc avant même d'être prophète et de recevoir la prophétie, Ibrahim, Allah Jalla lui avait accordé la guidée. C'est pour ça qu'il y a même des récits où Ibrahim, déjà jeune, débattait avec son peuple. Et donc déjà, il réprouvait l'adoration de ces fausses divinités. Et donc plus tard, comme il est rapporté, plus tard, Ibrahim émigrera et à un moment donné de son histoire, il se trouvera dans cette contrée, dans cette région du monde, donc on a dit aux limites, hein, fi hudud al-Sham, dans cette région du monde qui s'appelle le Sham. Et donc il se retrouvera à cette limite du Sham, cette région qui s'appelait Harran, Harran, et il passera un moment à Harran, et de là, les spécialistes disent que ce débat justement s'est produit à Harran. Du fait que les gens de Harran, il était célèbre qu'à l'époque, ils adoraient sept planètes, sept astres, comme il est célèbre à l'époque, ils s'adonnaient à l'adoration de sept astres. Ils disaient Al-Kawakib al-Saba'a, Al-Kawakibu al-Saba'a. Donc ils avaient sept astres et planètes qu'ils adoraient. Et parmi ces sept astres, il y avait le soleil, la lune et d'autres. Donc il y avait sept parmi elles qui étaient connues, qui étaient leur divinité de ces gens justement qui habitaient pour les habitants de Harran. Et donc Ibrahim, alayhi salam, comme il nous a rapporté à travers ces vers qu'on a lus, donc il a débattu avec eux et il leur a fait montrer que ces astres disparaissaient et donc ils ne méritaient pas l'adoration. Et comme il nous est rapporté aussi, donc Ibrahim, plus tard ensuite, ira en Palestine et il s'installera en Palestine comme on le verra. ولهذا كان ذلك بعد النبوة كان ذلك بعد النبوة على الصحيح. C'est pour ça que aussi que beaucoup de spécialistes donc s'accordent à dire que ce débat d'Ibrahim avec le peuple de Harran, wallahu a'lam, donc cela s'est produit après qu'il ait reçu la prophétie. Cela s'est produit après qu'il ait reçu la prophétie. Ensuite, si vous regardez vous observez dans la sourate Al-Baqarah, pour ceux qui sont passés sur certains versets, donc lorsque vous avez récité Sourate Al-Baqarah, et surtout on est dans un mois de récitation où qu'il faut redoubler d'efforts dans la récitation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce mois béni, parmi les grandes adorations qu'il faille faire, c'est la récitation du livre d'Allah et lire le Coran. À savoir que Kitab Allah, le livre d'Allah, a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam au mois du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, et plus précisément dans la nuit du destin. Dans la nuit du destin. Inna anzalnahu fi laylat al-qadr. Allah nous dit, nous l'avons fait certes descendre pendant la nuit du destin. Donc, en ce mois est descendu le Coran, c'est pour ça qu'on a même certains savants qui nous disent parmi les sagesses, il est bien fait de jeûner ce mois du Ramadan, et donc ils disent parmi les enseignements et les sagesses qu'il y a à travers le jeûne de ce mois, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait descendre le Coran. Parce que c'est l'un des plus grands bienfaits, c'est le plus grand bienfait qu'Allah jalla wa ala a fait descendre sur les êtres, sur ses serviteurs. Donc l'un des plus grands bienfaits faisant partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les êtres, le fait d'avoir fait descendre hadha al-kitab, Al-Azim, ce noble livre, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Et du fait qu'il soit descendu en ce mois béni, et plus précisément fi laylat al-qadr, en cette nuit du destin, alors beaucoup de savants disent, parmi les sagesses et les bienfaits de jeûner en ce mois, cela se fait, ce jeûne se fait en remerciement. En remerciement pour Allah d'avoir descendu le noble livre en ce mois. Et donc, il faut redoubler d'efforts dans la lecture. À chaque fois qu'une personne récite le Coran, sachez que donc cette personne a de nombreuses hasanats. De nombreuses hasanats pour chaque lettre qu'il lit. Donc, il aura 10 hasanats, 10 hasanats. Et donc, dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit... Et je ne dis pas que Alif, wal, Alif Lam Mim soit une lettre, mais dit Alifun est une lettre, ou Mim est une lettre, ou Lam plutôt est une lettre, ou Mim est une lettre. Et donc pour chaque lettre, dit Hasanat. Donc je vous laisse réfléchir et vous imaginez le nombre de Hasanat lorsqu'une personne lit des pages du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à moi, il faut redoubler d'efforts. Pour ceux qui ont lu dans Sourate Al-Baqarah, à un moment donné, Allah Jalla wa Ala va nous relater justement un autre débat qu'il y a eu. Et vous savez, dans un verset, Allah Jalla wa Ala nous dit « Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qawmi » Allah nous dit, et ces arguments-là, nous les avons donnés à Ibrahim contre son peuple. Une traduction approchée du sens du verset. Donc Allah, Jalla wa Ala, nous enseigne qu'il a donné la force d'argumentation à Ibrahim, alayhi salam. C'est pour cela qu'il était doté vraiment d'une force d'argumentation et d'une sagacité dans le fait d'appeler son peuple à la vérité et dans le fait de transmettre la vérité, de clarifier cette vérité. C'est pour ça que dans Sourate Al-Baqarah, pour revenir, dans la Sourate La Vache, Allah Jalla wa Ala nous relate dans un passage, dans certains versets, un débat qui a eu lieu à l'époque entre Ibrahim et un roi. Et les savants, les spécialistes s'accordent pour dire que ce roi était Nimrod. Était Nimrod, ce roi de cette époque qui revendiquait la seigneurie, c'est-à-dire qui prétendait être seigneur. Être le Seigneur, et donc il appelait les gens à lui vouer, à lui adoration. Donc Ibrahim, alayhi salam, il est rapporté, comme on va le voir à travers la lecture de ces versets, donc il a débattu avec ce roi. Et Allah, Jalla wa Ala, nous relate cela, et vous pouvez revenir à ces versets dans la Sourate Al-Baqarah à partir du verset 256. Allah Jalla wa Ala nous dit: Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allah al-mulk id qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah yati bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Et donc, dans une traduction rapprochée de ces versets, Allah Jalla wa Ala nous dit « Connais-tu l'histoire de cet homme à qui Allah Jalla wa Ala avait accordé une royauté et qui, imbu de sa royauté, de son pouvoir, engagea une dispute avec Ibrahim au sujet de son Seigneur. Alors Ibrahim lui avait dit « C'est mon Seigneur qui donne la vie et la mort. C'est mon Seigneur qui donne la vie et la mort. » Alors qu'un débat s'engagea entre Ibrahim et ce roi, et comme Allah Jalla wa Ala nous enseigne dans ce verset, ce roi donc, il avait été pris, il était, on va dire en quelque sorte, imbu de son pouvoir, comme c'est relaté dans le verset. Donc Allah Jalla wa Ala nous relate que cet homme, ce roi, alors qu'Allah Jalla wa Ala lui avait octroyé, accordé un certain pouvoir, alors ensuite il devint imbu. Il devint imbu et donc il se prétenda seigneur. Et donc un jour, Ibrahim dit à cet homme imbu de son pouvoir, « Idh qala Ibrahim Rabbi alladhi yuhyi wa yumit » Ibrahim lui dit, « Mon seigneur, moi, c'est celui qui donne la vie et la mort. » Alors ce roi lui dit, « Qala ana uhyi wa umit » Le roi là lui dit, « Moi aussi, je donne la vie et la mort. » Moi aussi, je donne la vie et la mort. Et il nous est rapporté dans des récits qu'ensuite il amena deux hommes, il amena deux hommes et les jugea. Et il dit, regarde, cet homme, je peux le juger. Et donc, je peux le châtier à mort et donc le condamner à mort. Et un autre homme, je peux le gracier. Et donc, celui donc j'aurais condamné à mort, je lui ai donné la mort, et celui que j'ai gracié, que j'ai laissé, je lui ai donné vie. Donc c'est comme ça que ce roi voulait justifier que lui aussi, il donne la vie et la mort. Et donc on voit vraiment la bêtise de ce roi. فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Alors Ibrahim, très perspicace. Et celui dont Allah Jalla avait accordé la bonne argumentation et la force d'argumentation. Cette argumentation qui lui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qawmi. Comme Allah Jalla nous dit dans un verset. Et ces arguments-là que nous avons donnés à Ibrahim contre son peuple. Alors Ibrahim dit à cet homme qui pensait que lorsqu'il condamnait une personne à mort, alors il lui donnait la mort, et lorsqu'il graciait une personne, alors c'est comme si qu'il lui donnait la vie. Alors Ibrahim lui dit, قال Ibrahim, فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. Certes, Allah, lui, vient, il ramène le soleil, il fait venir le soleil de l'Orient. Alors toi, fais-le donc venir de l'Occident. Regardez, alors que cet homme rétorqua, c'est moi qui fais vivre et mourir, alors qu'Ibrahim lui a dit, mon Seigneur, c'est celui qui donne la vie et la mort. Alors comme ce roi répondit, non, c'est moi qui fais vivre et mourir avec la justification qu'on a donnée précédemment, alors Ibrahim, là, lui donna un argument irréfutable, irrévocable. Il lui dit, Allah, Jalla, c'est lui qui fait venir le soleil de l'Orient, fais-le donc toi venir de l'Occident. Et là, le roi, l'impie, resta sans parole, stupéfait. Il resta sans parole. Il n'a pas pu répondre. Et Allah Jalla l'a décrit en disant, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Et donc l'impie resta sans parole. Il fut confondu, stupéfait. Il n'a pas pu répondre à cette force d'argumentation d'Ibrahim, alayhi salam. Et c'est pour cela qu'Allah Jalla nous dit à la fin du verset, qu'Allah ne guide point la gent injuste et Allah ne guide pas les gens injustes. Donc ça, c'est un autre épisode qui nous est mentionné, relaté dans le Coran, de ce débat de Ibrahim alayhi salam avec ce roi. فَبَيَّنَا ضَلَالَهُ وَجَهْلَهُ وَكَذِبَهُ فِي مَا ادَّعَاهُ وَبُطْلَانَ مَا سَلَكَهُ وَبُطْلَانَ مَا سَلَكَهُ وَتَبَجَّحَ بِهِ عِنْدَ جَهَلَةِ قَوْمِهِ ولم يبقى له كلام ولم يبقى له كلام يجيب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Et donc pour cela, lorsque Ibrahim lui a dit, bah toi fais venir le ciel, ou plutôt le soleil de l'Occident, puisqu'Allah Jalla wa Ala, lui le fait venir, ce soleil de l'Orient, fais-le toi venir de l'Occident si tu es capable. Et là, le roi n'a plus trouvé de réponse. Et là, il fut confondu. Et là, il fut sans parole. Fabouit al-Ladi kafar. Et de cela, les grands savants, les spécialistes, nous disent qu'à travers cette histoire, il y a des enseignements. Min fawaid al-ibtila an yudhibu al-ujb wal-kibr. فلو كان هذا الملك الذي حج إبراهيم في ربه فقيرا سقيما فاقد السمع والبصر ما حج إبراهيم ربه وإنما حجه في ربه كما قال تعالى أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك. Parmi les fawaïd à retenir ici, c'est que ce roi a revendiqué cela et il a polémiqué et débattu avec Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'il avait été éprouvé par la royauté et le fait d'avoir un certain pouvoir. Donc il a été éprouvé par le pouvoir. Pourquoi? Parce que une personne normale, sans pouvoir, sans avoir ce bien-là, ou cette épreuve, parce que ici, ce fut une épreuve pour ce roi, eh bien, il n'aurait pas débattu de la sorte avec Ibrahim et il n'aurait pas revendiqué la royauté, être le seigneur et pouvant donner la vie et la mort. Mais cet homme fut imbu, et donc il était épris par cette infatuation, ce qu'on appelle l'infatuation de sa propre personne, cet amour propre. Et de là, cette royauté fut une épreuve pour cet homme. Et de là, c'est pour cela que souvent la richesse, la royauté, la célébrité, c'est une épreuve pour les individus. Et parmi les enseignements aussi, وَفِيهَا نُصْرَةُ اللَّهِ لِأَوْلِيَائِهِ وَإِلْهَامِهِمْ وَإِلْهَامِهِمْ الْحُجَّةِ. Et parmi les enseignements aussi, on peut tirer, c'est que Allah Jalla wa'ala secourt ses serviteurs. Et Allah accorde la bonne argumentation et accorde l'épreuve et l'argument à ses serviteurs, à ses alliés sincères. C'est pour cela que les gens doués de raison, les gens sur la vérité, Allah Jalla wa'ala, lorsqu'il leur accorde la réussite, lorsqu'ils sont muwaffaqin, alors il leur accorde aussi parmi les bienfaits la bonne argumentation. Et c'est pour cela que les croyants, leur argumentation est basée sur des preuves, sur ad-dalil, Tandis que ceux qui s'opposent au message des prophètes et des messagers et aux gens de vérité, leur argument se repose sur leur propre raison. Et souvent, ils n'ont pas d'argumentation. C'est pour cela qu'ensuite les gens, lorsqu'ensuite qu'ils n'ont plus d'argumentation face à la vérité, lorsque la vérité leur est éclaircie, lorsque la vérité leur est apparue d'une manière évidente, lorsqu'ils n'ont plus d'argumentation face aux gens de la vérité, alors ils ont recours à la violence. Comme ça s'est produit ensuite, on va le voir, Ibrahim ensuite, tellement qu'il aura une force d'argumentation et il va annuler tous les arguments de son peuple. Ensuite, ils vont décider de le jeter dans le feu, comme cet épisode va être relaté dans ce qui va suivre, Inch'Allah. De même, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il répondait aux polythéistes de son époque, et lorsqu'ils avaient plus d'arguments face au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, alors ensuite, ils ont eu recours à la violence, et donc ils ont essayé de tuer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont exilé, et ils l'ont combattu. Ils ont eu recours à la violence. Et de même, regardez l'histoire de Moussa, alayhi salam, le prophète Moussa. Pharaon n'avait plus d'arguments contre Moussa, alors regardez, Pharaon a utilisé la violence contre Moussa et son peuple, contre les enfants d'Israël. Et comme cela, les gens de vérité, Allah Jalla wa'ala, leur octroie la bonne argumentation. Et c'est pour ça qu'on voit que cela perdure jusqu'à aujourd'hui. Les gens de vérité, souvent on ne leur donne pas la parole, surtout les gens qui ont une force d'argumentation, qui connaissent les preuves et qui savent transmettre les preuves d'une manière claire et évidente. Ces gens-là ne sont pas écoutés car il ne faut pas les écouter car ils transmettent une vérité. Ils transmettent une vérité dont beaucoup de gens peuvent être convaincus. Et donc, c'est pour cela qu'il faille plutôt mettre en avant des gens qui ne maîtrisent pas la langue, des gens qui n'ont pas l'argumentation et qui n'ont pas une connaissance réelle et véritable de la religion et de l'argumentation des prophètes et des messagers. وَلِهَذَا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِ الْكَرِيمِ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدَنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدُونَ Et donc on voit que Ibrahim dans d'autres versets Allah Jalla wa'ala nous relate par exemple une discussion, un débat qui a eu entre Ibrahim et son peuple. Dans un autre passage dans le Coran, vous pouvez vous référer au verset 51 jusqu'au verset 70 de la sourate les prophètes, de la sourate Al-Anbiya. Et regardez lorsque Ibrahim s'adressant à son peuple, après qu'Allah Jalla wa'ala nous ait dit que depuis avant, Allah avait accordé à Ibrahim la bonne voie. Et qu'Allah était connaisseur de cela. Regardez, un jour Ibrahim s'adresse à son père et à son peuple. Regardez ce qu'il leur dit. Que signifient ces statues auxquelles vous montrez tant d'attachement? Alors ils dirent, nous avons trouvé, répondirent-ils, nos ancêtres attachés à leur culte. Regardez leur argumentation, n'était que le fait de dire, nous avons trouvé nos pères, nos ancêtres sur cela. Donc en réalité, il n'y avait pas de preuve. Et l'argumentation était très faible. Et donc Ibrahim va mettre en lumière cela. Leur argumentation, pourquoi ils adoraient des fausses divinités et des idoles, ils rétorquaient qu'ils avaient trouvé leurs pères et leurs ancêtres sur cette religion, sur l'idolâtrie, sur le polythéisme, le fait qu'ils adoraient des fausses divinités. Donc leur preuve à eux, c'était que cela était la religion de leurs pères et de leurs ancêtres. Et cela leur suffisait comme preuve et argument. Mais Ibrahim alayhi salam va leur prouver que cela n'est pas un argument et n'est pas une preuve. Bien au contraire, cela ne fait pas partie de la bonne raison et de la raison saine. La raison saine. Alors Ibrahim répliqua, leur dit, vous étiez assurément, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Donc Ibrahim leur dit clairement, donc vous, et ainsi que vos pères et vos ancêtres, vous êtes alors dans un égarement évident. Alors ils lui dirent, es-tu venu nous apporter la vérité, dirent-ils, ou bien c'est un amusement de ta part? Alors regardez ce qu'ils répondent à Ibrahim alayhi salam. Es-tu venu pour nous rapporter véritablement la vérité, ou bien cela provient juste d'un amusement de ta part, d'une plaisanterie? Et là, Ibrahim leur dit, bien au contraire, répondit Ibrahim, votre ilah, votre Seigneur, est le maître des cieux et de la terre. C'est lui qui les a créés. Et je suis de ceux qui peuvent en témoigner. Par Allah, se dit-il, je jouerai un mauvais tour à vos idoles. Et là, en quelque sorte, Ibrahim menace leurs idoles. Il dit, par Allah, je jouerai un mauvais tour à vos idoles dès que vous aurez le dos tourné. Et donc là, Ibrahim alayhi salam, il va leur prouver que leur adoration pour ces idoles, c'est vraiment quelque chose de dénué de toute raison, de toute bonne raison humaine. Et donc il dit, dès que vous aurez le dos tourné, eh ben, je jouerai un tour à vos idoles. Et justement ici, c'est ce que va faire Ibrahim alayhi salam. قال الله عز وجل فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Alors effectivement, c'est ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam. C'est pour ça, dans les versets suivants, Allah Jalla wa Ala nous dit, et effectivement, Ibrahim a mis ses idoles en pièces. Donc il a cassé leur statue. Il a cassé leur divinité. Mais Allah Jalla wa Ala nous enseigne qu'il épargna la plus grande statue. Alors, il est rapporté dans l'histoire que Ibrahim a attendu un jour, alors que les gens de cette contrée sont sortis, les gens du village sont sortis du village pour faire une sortie. Alors lui, Ibrahim alayhi salam, il a profité pour casser ses statues et il a laissé la plus grande. Il a laissé la plus grande. Et en cela, il y avait une raison. Et lorsque les gens du village revinrent, lorsqu'ils sont revenus, alors ils ont assisté à ce spectacle. Ils ont dit, mais qui est-ce qui a osé commettre ce sacrilège à l'encontre de nos dieux? Et ils ont dit, ça peut être qu'un criminel, un injuste, qui a fait cela, dirent-ils. Alors, Qalou, فأتوا به قالوا سمعنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Et de là ils dirent, nous avons entendu dire certains d'entre eux qu'il y a un jeune homme qui médit, qui dénigre nos dieux, nos divinités, et il s'appelle Ibrahim. Donc à l'époque, Ibrahim, comme il est rapporté, il était jeune. Alors ils ont dit, nous avons entendu parler d'un jeune qui se nomme Ibrahim. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Alors ils dirent, amenez-le, mais amenez-le devant la foule, cria-t-on, pour qu'elle apporte son témoignage contre lui. Est-ce toi, Ibrahim, lui demandèrent-ils? Lui demandèrent-ils? Ensuite, ils ont ramené donc Ibrahim devant la foule et ils demandèrent à Ibrahim, est-ce toi qui as fait cela? قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ Est-ce toi, Ibrahim, qui as fait cela avec nos divinités, avec nos dieux? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Et Ibrahim, regardez ce qu'il va leur répondre. Il va leur dire, mais c'est la plus grande d'entre elles, c'est la plus grande de vos divinités, la plus grande statue qu'il l'a fait. C'est la plus grande d'entre elles qui l'a cassée. Alors il dit, demandez-lui si elle peut parler. Demandez-lui si elle peut parler. Et là, Ibrahim veut les faire revenir à la raison. Que votre statue, vos divinités, vos dieux, ceux dont vous implorez, ceux dont vous adorez, ne peuvent même pas parler. Et en plus, lorsqu'elles ont été cassées, les autres, elles n'ont pas pu se défendre elles-mêmes. Et la plus grande n'a pas pu la défendre. Et là, donc en quelque sorte, il leur dit, c'est la grande qui les a cachés, cassés plutôt, et demandez-lui, demandez à votre Dieu s'il peut parler, s'il peut prononcer des mots. فقال الله عز وجل عنهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Alors Allah جل وعلا nous dit qu'ensuite, ils sont à un moment donné revenus un peu à la raison. Et alors en s'étant concertés, ils se dirent entre eux, après tout, c'est nous qui étions dans l'erreur. Mais brusquement ensuite, ils changèrent brusquement d'avis. Ils dirent donc à Ibrahim, comme Allah Jalla nous relate dans ces versets, tu sais bien que les idoles ne parlent pas. Alors Ibrahim leur dit, comment pouvez-vous alors adorer en dehors d'Allah des divinités qui peuvent ni vous être utiles, ni vous nuire? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, n'êtes-vous donc pas raisonnables? Ibrahim leur dit. Et c'est là qu'ensuite que les gens ordonnèrent que Ibrahim soit jeté dans le feu. Donc ensuite les idolâtres s'écrièrent, jetez-le dans le feu. Faites triompher vos dieux si vous avez la volonté de les défendre. Et donc dans la prochaine assise, inshallah, on va évoquer l'histoire lorsque Ibrahim, ensuite, Khalil Ar-Rahman, fut jeté dans le feu. Donc regardez, ensuite, ils ont eu recours à la violence, comme on l'a dit précédemment, lorsque ils n'ont plus d'arguments, et c'est connu, l'être humain, les gens qui s'adonnent à des pratiques sans qu'il y ait de preuves réelles, sans qu'il y ait d'arguments véritables et réels, alors ensuite ils ont recours à la violence lorsque la vérité leur est exposée clairement. Et lorsque la vérité leur apparaît, et comme il est dit à un moment donné, ils ont commencé à faire preuve de raison. Mais ensuite, brusquement, ils sont revenus à leur égarement. Et donc ensuite, ils ont décidé de châtier Ibrahim et de le jeter dans le feu. Et cet épisode-là, on le racontera, inshallah, dans la prochaine assise. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.